La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toute l'extrême droite. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser et mettre au four ça qui bat. Tout le monde peut faire des erreurs, mais magnanime est le Führer. On fait semblant de croire aux champs à gaz pour distiller sournoisement chirurgier le souffle du Reich Millénaire qui t'abrite au plus profond de toi. Bernard Henri Lévy, un être faible, plein de rancœur, un être méprisant, méprisable. J'ai essayé de me racheter toute ma vie pour me faire digérer Bernard-Henri Lévy. Petit farceur, tu nous as bien eu. On a presque cru que t'aimais bien les nègres, mais au fond de ton âme, j'y sais la foisse. Auberge ton Führer, y'a de moi. 88.